quand deux êtres ne s'aiment plus, quand l'amour vraiment n'y est plus, et quand alors tout est fini, le reste du temps paraît gris. Pendant des années du Huron, on s'était mais un bon moment. De notre union nous avons eu des enfants qui ne comprennent plus. Pourquoi faut-il tout oublier, les bons moments que l'on a passés? Pourquoi doit-on se déchirer, s'humilier et se chamailler? Quand on est jeune, on est pressé, oui, trop près, c'est de se marier. Sans se connaître vraiment, on précipite l'événement. On ne connaît rien de la vie, du bien, du mal, des gros soucis. Quand ça arrive, on est surpris, on confond le jour et la nuit. Pourquoi faut-il tout oublier, les bons moments que l'on a passés? Pourquoi doit-on se déchirer, s'humilier et se chamailler? Mais quand on a de grands enfants, ils ne comprennent pas toujours pourquoi leur papa, leur maman veulent en finir un jour. Mais il vaut mieux se séparer plutôt que se déchirer. Pour ces innocents, c'est important qu'ils puissent dire papa, maman. Pourquoi faut-il tout oublier, les bons moments que l'on a passés? Pourquoi doit-on se déchirer, s'humilier et se chamailler? Pourquoi faut-il tout oublier, les bons moments que l'on a passés? Pourquoi ne pas se respecter et tirer un trait sur le mauvais?